Lamentations chapitre 3. Aleph, je suis l'homme qui ai vu l'affliction par la berge de sa fureur. Il m'a conduit et amené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Certes il s'est tourné contre moi, il a tous les jours tourné sa main contre moi. Bête, il a fait vieillir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti contre moi, et m'a environné de fiel et de travail. Il m'a fait tenir dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Guimel, il a fait une cloison autour de moi, afin que je ne sorte point, il a appesanti mes fers. Même quand je crie et que j'élève ma voix, il rejette ma requête. Il a fait un mur de pierre de taille pour fermer mes chemins, il a renversé mes sentiers. D'Alet, se met un ours qui est aux embûches, et un lion qui se tient dans un lieu caché. Il a détourné mes chemins, et m'a mis en pièces, il m'a rendu désolé. Il a tendu son arc, et m'a mis comme une butte pour la flèche. Il a fait entrer dans mes reins les flèches dont son carquois est plein. J'ai été enrisé à tous les peuples, et leurs chansons tout le jour. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Veau, il m'a cassé les dents avec du gravier, il m'a couvert de cendres. Tellement que la paix s'est éloignée de mon âme, j'ai oublié ce que c'est que d'être à son aise. Et j'ai dit, ma force est perdue, et mon espérance aussi que j'avais en l'Éternel. Zayn, souviens-toi de mon affliction, et de mon pauvre état, qui n'est qu'absinthe et que fiel. Mon âme s'en souvient sans cesse, et elle est abattue au-dedans de moi. Mais je rappellerai ceci en mon cœur, et c'est pourquoi j'aurai espérance. Et, ce sont les gratuités de l'Éternel que nous n'avons point été consumées, parce que ses compassions ne sont point taries. Elles se renouvellent chaque matin, c'est une chose grande que ta fidélité. L'Éternel est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'aurai espérance en lui. Tête, l'Éternel est bon à ceux qui s'attendent à lui, et à l'âme qui le recherche. C'est une chose bonne qu'on attende, même en se tenant en repos, la délivrance de l'Éternel. C'est une chose bonne à l'homme de porter le joug en sa jeunesse. Joug, il est assis solitaire, et se tient tranquille, parce qu'on l'a chargé sur lui. Il met sa bouche dans la poussière, si peut-être il y aura quelque espérance. Il présente la joue à celui qui le frappe, il est accablé d'opprobre. Caf, car le Seigneur ne rejette point à toujours. Mais s'il afflige quelqu'un, il en a aussi compassion, selon la grandeur de ses gratuités. Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. La Mède, lorsqu'on foule sous ses pieds tous les prisonniers du monde. Lorsqu'on pervertit le droit de quelqu'un en la présence du Très-Haut. Lorsqu'on fait tort à quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il point? Même, qui est-ce qui dit que cela a été fait, et que le Seigneur ne l'a point commandé? Les maux et les biens ne procèdent-ils point de l'ordre du Très-Haut? Pourquoi se dépiterait l'homme vivant, l'homme, dis-je, à cause de ses péchés? Non, recherchons nos voies, et les sondons, et retournons jusqu'à l'Éternel. Levons nos cœurs et nos mains au Dieu fort qui est aux cieux, en disant. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Samech, tu nous as couverts de ta colère, et nous as poursuivis, tu as tué, tu n'as point épargné. Tu t'es couvert d'une nuée, afin que la requête ne passe à point. Tu nous as fait être la raclure et le rebut au milieu des peuples. P.E., tous nos ennemis ont ouvert leur bouche sur nous. La frayeur et la fosse, le dégât et la calamité nous sont arrivés. Mon œil s'est fondu en ruisseau d'eau, à cause de la plaie de la fille de mon peuple. À jeun, mon œil verse des larmes, et ne cesse point, parce qu'il n'y a aucun relâche. Jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie des cieux. Mon œil afflige mon âme à cause de toutes les filles de ma ville. Cède, ceux qui me sont ennemis sans cause, m'ont poursuivi à outrance, comme on chasse après l'oiseau. Ils ont enserré ma vie dans une fosse, et ont roulé une pierre sur moi. Les eaux ont regorgé par-dessus ma tête. Je disais, je suis retranché. Kof, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, d'une des plus basses fosses. Tu as vu ma voix, ne ferme point ton oreille, afin que je n'expire point à force de crier. Tu t'es approché au jour que je t'ai invoqué, et tu as dit, ne crains rien. Rech, ô Seigneur, tu as plaidé la cause de mon âme, et tu as garanti ma vie. Tu as vu, ô Éternel, le tort qu'on me fait, fais-moi justice. Tu as vu toutes les vengeances dont ils ont usé, et toutes leurs machinations contre moi. Saint, tu as ouï, ô Éternel, leur opprobre, et toute leur machination contre moi. Les discours de ceux qui s'élèvent contre moi, et leurs desseins qu'ils ont contre moi tout le long du jour. Considère quand ils s'asseyent, et quand ils se lèvent, car je suis leur chanson. Tôt, rends-leur la pareille, ô Éternel, selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur un tel ennui qu'il leur couvre le cœur, donne-leur ta malédiction. Poursuis-les en ta colère, et les efface de dessous les cieux de l'Éternel.